pas de logique de profit, ils appellent ça une donation, pour couvrir leurs frais et amortir leur matériel. Pas de logique de profit, ils appellent ça une donation, pour couvrir leurs frais et amortir leur matériel. Sur.